jours c'est la même, tous les jours c'est la merde, ça rabat des clients. Derrière le bloc le pisseur, et y'a les voisins qui serrent, t'alertes le tobeur en criant. Et j'fume, j'suis trop passif. Et j'bois, j'vois que c'est pas pour moi. Si tu me respectes, on sera compréhensif. J'y crois, j'dis rien mais ton fils le voit. Pourquoi il me rend fou à moi? Y'a personne qui me donne à boire. Tout à l'heure j'ai clippé dans le froid, là j'suis au sud sans plus ma voix. Je suis le père, mon Dieu qui est père. Je sonne de terre, je compte pas. Je suis le père, mon Dieu qui est père. Je sonne de terre, je compte pas. Un, trois, c'est d'où je viens. Un, trois, c'est d'où je viens. Un, trois, c'est d'où je viens, mon gros. Mélange pas, moi j'ai rien à voir. On a pas la même vie, là j'en fais pas tout. Tiens, tu l'as le jour quand je suis pas là le soir. J'attends la Ferrari quand je fais des tours. Oh, je fais des, j'ai pas du mal à décrire tout ce qui m'arrive, j'peux prendre un coup. Je fais des, tu me connais, j'aime rire, j'aime trop le quartier, ouais. Mais ça passe, le temps se passe pas, on a tous grandi. On voulait être en place devant la juge, on a tous menti. Dans le froid, on dit ça, n'est-ce pas? Putain, j'ai trop fumé, t'es jeune, t'es chaud, j'suis chaud. On va faire un tour, on va se mettre les ouais comme il faut. Je donne des trains, je suis comme toi.